Une conférence a eu lieu le 7 juin à l'université Rajabhat Pranarkon de Thaïlande à l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin en présence des personnalités du comité préparatoire thaïlandais pour le rendez-vous en l'honneur des Kwanzaa Baekdusan 2017, de l'association d'amitié Thaïlande-Corée, de l'université et d'autres personnes. Le conférencier a dit que grâce aux efforts dévoués du camarade Kim Jong-il, la rencontre au sommet Nord-Sud, la première du genre dans l'histoire, a eu lieu à Pyongyang en juin 2000 et la déclaration commune a été adoptée pour la solution du problème de la réunification par les efforts conjugués de la nation coréenne.